Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est environ 21h10 et nous sommes le vendredi 7 janvier 2011. Après l'émission exceptionnelle de nuisance du 31 décembre 2010, la semaine dernière, où on va attaquer une année donc tout en douceur avec notamment ce soir donc du mix radio comme d'hab, nuisible au moins, sinon bruitiste et expérimental, accompagné donc d'une improvisation guitaroïde et vocale. Enfin, c'est une annonce, mais est-ce que ça va vraiment se faire? Ça, on le saura. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Quelle belle journée. D'ailleurs, la vie est belle. La vie est si belle. La vie est si belle qu'on en espère d'autres vies, encore et encore jusqu'à l'infini. Bla bla bla bla, bli bli bli bli, ça rime en i, je suis un gros zizi. Chouette. Vous êtes sur France Musique, vous écoutez du jazz, vous êtes des gens bien. Non, vous n'êtes pas sur machin et vous n'écoutez pas des trucs bien. Vous écoutez de la merde et vous êtes sur Nuisance, l'émission qui nuit au sens. Et la plus belle crotte de l'année revient à moi-même, symbolisée par le si. Sur Canal Sud 92.2 FM, la radio qui dit des choses. Et vous écoutez donc l'émission Nuisance, l'émission qui vous dit merde. Cadavres ambulants, un bon pain. Usual anger in situations like forfeiture, like a giving up of a stupid solution I've never found. Don't you agree? Du bémol sans bécard, semble-t-il. Était maussade aujourd'hui, demain il sera peut-être plus clair et éclairci dans l'après-midi dans la région toulousaine proche. Vers 14h03, vous aurez droit à une éclaircie demain en regardant vers le nord-est. Ne ratez pas l'éclaircie demain à 14h03:39 dans les environs de Toulouse. La qualité de la musique ce soir, ou du son notamment, est sûrement due à la qualité de votre écoute. Faisons du bruit. Abat la technique, tuez les sages, bouffez la volonté des savants. L'humain influe sur l'humain. Mangez-vous de l'humain sur l'humain. Donc vous êtes sur Canal Sud, la radio qui paraît très amateur, surtout entre 21h et 23h le vendredi. Sens. mettre du sentiment dans ce que je fais. C'est très important dans la musique, le sentiment. Alors, commençons par un Do. Do, Do, Ré, Mi, Mi. Le sentiment est donc la haine, ça avait bien perçu. Do, Ré, Mi, la haine. Donc, je vais à présent vous interpréter la joie. Do, Ré, Mi, Mi. Vous voyez la différence flagrante. Et l'opéra est un travail, l'opérette aussi. Et j'ai oublié d'acheter ma baguette demain, donc je vais sûrement y penser aujourd'hui. C'est un taré ce mec. Butez-le vite avant qu'il nous fasse souffrir et qu'il nous contagionne de sa connerie humaine. De nez, le caca du nez. Quelqu'un a trouvé une autre expression pour ce truc qui colle et qui est salé. Crotte de nez. Important dans le sentiment donc que nous voulons exprimer par la musique. La musique. Il fait une chaleur dans ces studios. Plutôt crever que boire de l'eau atrophiée par le manque d'oxygène dans la planète. Et l'atmosphère est couverte de putréfaction. Produite qu'elle est dans le noyau, en fusion, réactionnelle, ouvert. L'air est couvert d'une dissatisfaction un peu insatisfaite, c'est-à-dire la putréfaction donc, que j'ai mentionnée tout à l'heure, est couverte de 6 et non 7, 6, 6 et non 7, 6 ouvertures plausibles. Le potentiel étant toujours présent, du présent, dans le sens naturel des choses, du passé vers l'avenir. L'ordre se décline à détruire. Ne l'oublions pas. Agrégation, érosion, il est donc 21h30, ceci va être une émission, peut-être, que je veux dire, assez pénible. Il faut donc s'essuyer le front comme un modus operandi. y a des grincements et des craquements dans le lair, dans le lair du Minotaure. Dans l'air du Minotaure, il y a un masque. Le masque de la raison, cortex cérébralique, communique, communique. La fameuse consonance dans le, laquelle, pardon, dans laquelle, pas dans lequel, mais dans laquelle, la consonance, donc il y a le mot con, con, C-O-N, un mot en trois lettres qui commence par le mot C, enfin la lettre C, pardon, je suis fatigué, et N pour finir, une lettre comme une autre, sauf qu'elle est différente des autres. C'est ce qui la rend exactement pareille aux autres. Elles sont toutes différentes les unes des autres, donc elles sont exactement, normalement différentes, et donc pareilles, parce qu'elles sont différentes. C'est une énigme, c'est un paradoxe, une contradiction, une erreur peut-être. Atrophie cérébralisque, comme une crevette mollusque ou mollusque doré. Au four, toujours, grâce à la crème brûlée. La crème brûlée. Parlons-en du sacrifice, donc le sacrifice de semences. Monsanto, quel gâchis, tant d'argent jeté par les poubelles. Le prix donc de l'argent à côté pour que l'argent coûte plus cher encore. Pas bête, j'avoue. Comme ça on aura bientôt 200 milliards d'euros pour un dollar japonais ou chinois. Enfin dans deux ans, en 21 décembre 2012, la Chine attaque l'Europe et l'Europe meurt sous le joug des 90 milliards de chinois. Et si vous ne l'avez pas compris, il n'y a aucun sens à la vie. Plutôt si, celui du désordre. Du cercle vicieux. Le désordre donc du cercle vicieux. De la norme. Nous ne le répéterons jamais assez. Blocage de 2 minutes juste pour gagner un peu de temps. guitare est la plus formidable de toutes les guitares, car c'est la mienne. Il y a beaucoup de guitares comme celle-ci, mais celle-ci est la mienne. Et quel bordel toujours dans les studios, c'est forcément la faute à Canal Sud. Nous rappelons que c'est la radio que vous écoutez et l'émission c'est Nuisance. Donc mettez la faute sur Canal Sud, surtout pas sur le producteur de Nuisance, qui est quelqu'un de bon et de gentil. Canal Sud est quelque chose de mal, méchant, pas bon, gentil, pas méchant. Quelque chose comme ça, approximativement, sans plaisanter. Le monde qui nous entoure est horrible. Ne l'oubliez toujours pas. Toujours pas. Comment pourrait-on l'oublier d'ailleurs ? Même en fuyant, l'on ne peut le dénier, le refouler. Car il revient en force, est-ce un refoulement ou un contre-pas-refoulement ? Allez, je vais vous faire un morceau super connu, il s'appelle « Les portes du pénitencier », du pénitencier, de Johnny Hallyday sûrement, ou d'une autre stardom refoulée. On connaît très bien le thème en ternaire binaire couplé d'une 12-8 en accord majeur, à part un système de dominante bien placé qui invoque le Seigneur, toujours puissant, saignant, saignant du cul. Est-ce la sodomie ou juste un blasphème ? On l'avait pourtant conseillé à Dieu de, ou à l'autre, la déesse, je veux dire, de se prendre du gel. Mais pas coiffant celui-là. Alors un hommage à Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, le plus grand. Voilà, c'est fait. Ah, la plus belle mélodie de toutes les mélodies du monde. Allez-y, diable à l'avarice, bordel de merde, c'est la plus belle mélodie de l'univers. Et je l'ai trouvé sur une guitare désaccordée. Figurez-vous que sur une guitare accordée, imaginez ce que ça peut faire. Quelle beauté imaginaire. Leader réel. Cherche ma note, où est ma note, ma précieuse? Ce n'est sûrement pas le bon moment d'avoir ma note. Je la trouverai peut-être en détruisant toutes les autres notes qui ne sont pas à moi, car il n'y a qu'une seule note qui est à moi. C'est la précieuse note. La note alien. Étrangère. Étrangère aux étrangères, l'étrange aux étrangers aux étrangères, la France, oui, la France, quelle belle patrie aux Français. Thank you. respirer toujours la preuve, la respiration, donc, que l'on est vivant, qu'on fait semblant. Mais il est keblo, le mec, là. Il est complètement ouf. Il est keblo sur deux notes. Il est plutôt bloqué sur une note. C'est mieux comme ça, une note ça suffit. C'est ma note, c'est celle-là, la précieuse, la plus belle de toutes les notes. Et elle à moi. Quelle beauté cette note. Oui, tu es belle note. Mi bémol. Enfin, si je suis accordé, mais ça met en grand moment. Non, d'accord, dans accordé, il y a corps. Au pied. Corps au pied. Je vais enlever mon pull car il fait une chaleur dans les studios de Canal Sud. Se prouve que l'investissement de l'État dans la subvention de chauffage de Canal Sud est grandement utilisé. Et puisque nous parlons d'aberration, n'oublions pas. Les monstres ne sont pas ce que l'on dit, ou tout du moins ce que l'on sait. Peut-être que ça, c'est que des conneries aussi, et ça m'arrange, car je ne veux pas croire ce que je dis, je ne suis qu'un être humain, ou je suis plutôt un être humain, ne pas dévaloriser l'être humain, faire bien face à son adversaire. Quelle beauté. Oh oui. Quelle beauté la vie. Oui. Ouh. C'était mon cri à la Michael Jackson, il est mort, je peux le citer maintenant. Ouh. À mort, Michael Jackson, il est mort, c'est bon, on peut le dire. À mort. L'être humain. Adversaire. Oui, Jedi, tue-toi, te tue. T'énerve pas, mec. Mange un Dany, ça ira mieux, Norbert. Qui glisse tout le temps, c'est chiant, putain de bordel de merde. Pourtant, mon grand-père m'avait bien dit de ne jamais plaindre de mes outils. C'est Big Ben ? C'est Notre-Dame, ça. C'est la cathédrale Saint-Étienne, c'est obligé. Ça, c'est le bonheur. C'est la représentation du bonheur. Cet accord représente le bonheur, donc le bonheur de vivre sûrement ou de mourir, ça dépend, chacun son avis. Cette guitare est vraiment exceptionnelle et moi aussi je suis exceptionnel. Exceptionnellement, je sais pas, C ou B ou N. Ou au choix. On peut pas dire que je vous laisse pas libre. Je vous suggère même la liberté, c'est génial. La liberté se suggère de nos jours. Elle ne s'intuite ou n'est pas inspirée, elle est imposée, la liberté, magnifique. Car nous n'avons plus assez d'imagination pour imaginer ce qu'est la liberté, d'ailleurs. Il faut l'imaginer, en effet. Je vous rappelle que ceci est une œuvre entièrement de fiction et que le rapport à des personnages existants ou quoi que ce soit, blablabla, n'a rien à voir. Alors si je vous dis ça, le camé, ce ne vous vise pas, c'était une œuvre de fiction. Ce ne signifie absolument rien, c'est inutile, c'est l'art. L'art est comme une bête immonde, elle pue. La bête. Du cul. Ah, je n'ai pas éructé la tradition nuisancielle. Je voudrais que j'éructe un coup, mais j'ai plutôt envie de vomir, alors. J'ai pas envie de rembourser la table de Canal Sud, donc je vais éviter. Table de mixage, 100 ans. Show is full of shit, mine I mean. Je vous ai importé, je vous ai... Oh putain, le téléphone, l'horreur. Une fois n'est pas coutume, quelqu'un a appelé et m'a insulté de tous les noms. Je suis assez fier de la réaction de cet auditeur ou auditrice. Je n'ai pas très bien compris la tonalité de la voix. Qu'importe finalement, c'était peut-être un être humain finalement, oui, qui m'a donc insulté profondément, démentiellement, affectueusement. Donc il m'a insulté de quoi déjà, je ne me souviens pas. Quelque chose qui ressemblait à pain, à chien, à robin des bois, je ne sais pas, peut-être être humain finalement, restons simples, et clair et net et précis. L'heure c'est l'heure, avant l'heure c'est pas l'heure, après... Excusez-moi, le matériel a eu un problème, c'est la faute au matériel. Le matériel donc a refusé d'entendre la fin de ma phrase et j'espère qu'il ne va pas le refaire la même chose. Ah, ça l'a refait encore, je suis vraiment désolé. C'est sûrement la faute à la radio. Quelle vie de merde. Allez, désaccordons un peu la guitare. C'est bien mieux comme ça. C'est plus consonant quoi. Ce claquement là, non, mais c'est bizarre. Je veux dire, on a beau mettre des basses, il reste toujours des aigus. L'enfer. formant donc un cercle vicieux qui se désagrège au fur et à mesure du processus de production. Une chanson survient. Je vais donc chanter en anglo-saxon, ça sonnera mieux. I got you babe, I got you babe, I got you babe, I got you babe, I got you babe, chewing gum babe, I got chewing gum babe, babe, babe, baby, baby, baby, baby, baby, I got chewing gum baby, baby, baby, I got chewing gum, chewing gum, chewing gum, chewing gum, chewing gum, chewing gum, chewing gum. Merci beaucoup. C'est une chanson qui s'appelle Chewing Gum, qui veut dire pâte, comment, gomme à mâcher, ce qui signifie chewing gum. L'agrégation du son continue, toujours en entropie, sempiternelle bonté fondamentale. Et le son que vous attendez, entendez en fond, c'est donc ma voix, comme vous voyez, une voix magnifique, travaillée à souhait et toujours aussi limpide. La guitare, elle, est encore plus limpide que limpide puisqu'elle est accordée pour une fois. Elle est accordée en do dièse mineur majeur, doublée d'une quinte bémol, septième dominante mineure. Triton. Doublée d'une seconde mineure et d'une septième majeure. N'oublions pas la septième majeure doublée du triton et doublée encore une fois, donc c'est quadruplé d'une, donc je ne disais demi-ton, d'un demi-ton. D'un demi-ton, donc une seconde mineure. Ça fait, je vous apprends la technique musicale de la consonance ou de la dissonance. Dissonance, dissonance, con, t'es con, t'es consonance. De croire en soi pour faire de la merde pareille. Ceci est une harmonique. Attendez bien. Une vraie harmonique, une harmonique vraie. Comme la nature vraie de l'homme, de l'être humain. Vous voyez ? Harmonique. Note harmonique, note harmonique. Vous voyez, je me sens investi d'une mission de pédagogie et de didactique. Si vous ne savez pas ce que la didactique est, eh bien, c'est l'art d'enseigner, ou la science plutôt d'enseigner. Donc je vais vous enseigner la science de vous enseigner vous-même. Fuck, fuck, fuck, vive la France. Fuck, fuck, fuck, vive la France. Ah, c'était un quelqu'un de bien là, qui a parlé là. Le mec qui joue la guitare, c'est un héros connard. Hein. Faut qu'il s'arrête. Mon gamin de pas dents, il arriverait mieux que lui. Quoi. Sans guitare. Putain, elle glisse cette guitare de merde. C'est vraiment la merde. Changer roté bientôt. Ou péter. Pour rester dans. Donc dans l'esprit de l'émission Nuisance que vous écoutez depuis quelque chose comme 50 minutes, presque. Vous avez travaillé donc l'écoute du binaire ternaire doublé d'une 12-8 sur quaternaire septième dominante mineure sur quinte bémol. On reconnaît vivement la septième dominante mineure ou majeure en fonction du l'état, du laitage. Lactance, donc lactance acide, lactose, lactode, acide lactique, donc courbature. Je vais représenter la courbature par un accord de dominante passée en septième. Vous voyez, donc la courbature, je vous le refais. La courbature donc représentée par cet accord, je vous répète, allez, écoutez ça. La courbature, vous avez entendu ? C'est évident, la courbature. Oui. Si vous ne savez pas ce qu'est un médiator, et c'est un médiator en plastique. Un robot, quoi. Sans pile. Qui marche pas. Qu'on doit porter. Ça sert d'intermédiaire entre soi et autonomie. Je n'en sais absolument rien. Je suis sûrement dans des conneries encore. Pendant une heure de plus, et vous allez devoir supporter une heure de bêtises humaines, humanisées et distortées. N'oublions pas la vérité, l'honnêteté avant tout, la vie c'est de la merde. Toute la vie humaine d'ailleurs. Oh cruauté, cruauté quand tu nous tiens, quand tu me tiens. Oh cruauté, cruauté quand tu nous tiens, quand tu me tiens. Cruauté, cruauté. Impérial, Napoléon Bonaparte, cruauté, cruauté, cruauté, tolérance, cruauté, intolérance, cruauté, cruauté, cruauté, cruauté. L'exemple est bon, suivons-le. C'est fier de moi, j'ai enfin pu éructer, je veux dire. Donc, vous connaissez l'acteur, le nouveau héros de la série des Musclors, mais cette fois en pétrole pur, pas en plastique, pas besoin. Ça servira donc double usage, à la fois salir la moquette de la chambre de votre enfant, mâle de préférence, car le rôle d'un enfant mâle est de se battre avec ses jouets, c'est bien connu. Et donc, et le rôle de votre parent que vous êtes, c'est de donner tout ce que vous avez à Tétor, le robot qui tète. La machine à téter. Ceci est une musique d'ascenseur pour vous faire patienter jusqu'à l'émission suivante que vous écouterez sur Canal Sud, donc les ondes de 92.2 FM MHz à Toulouse, France, dans Lyon, ou sur le canalsud.net internetien. Bienvenue aux aliens, ils nous surveillent, ils nous voient, ils voient nos merdes, et ils voient toutes nos merdes, mais toutes nos merdes. Y a-t-il autre chose que de la merde humaine ? Question artistique, bien sûr, un mensonge est avant tout un mensonge, nous ne l'oublions pas. L'inspiration donc mensongère de la vérité est celle que nous ne voulons pas entendre et je ne l'écoute pas. Ce qui sort de ma bouche est une traîtrise de mon être. Je ne crois pas que la France est quelque chose de pas patriotique. Au contraire, la France est nationalement fière d'être patriotique envers soi-même et pas envers les autres, puisque la patrie, c'est soi-même et pas les autres. Nombrilisme, pas nombrilisme, égocentrisme, pas égocentrisme, égoïsme peut-être, oui, égoïsme, acceptable neutralité en face de la bombe. La bombe hiroshimienne. Je me concentre pour vous sortir un RAW de la dernière minute et je n'y arriverai jamais, sauf en vomissant sur la table de mixage de la radio Canal Sud qui est au 40 rue Alfred Duméril, 31 400, je crois, Toulouse, métropole justice. Ne me visitez pas, surtout pas maintenant, je ne veux pas être dérangé, merci. Je suis en train d'un solo de guitare avec un push-up de 1 quart et avec un pull-up de 1 quart aussi sur la même note, c'est magnifique. Enchaîné, vous avez vu, c'est magnifique. Un accord toujours magnifique aussi. Consonant, mais alors très consonant. Et dites sonant. La femme de Napoléon Bonaparte est une bimbo. Tout le monde le sait. C'est une fausseté, comme mon art. Mon art est un mensonge politique. La liberté donc n'existe pas. Vous voyez, ce signifie que la liberté est belle et existe en France surtout. Parmi tous les pays du monde entier, nations parmi tant d'autres, et pourtant si unique, la France, mon pays d'accueil, ma terre natale. J'en suis si fier. La beauté est belle en France. La France vive. Autant faire du yaourt, autant faire du yaourt. Bugu bugu bugu, digi digi digi, digi digi digi digi digi digi digi. Ah, les cordes frisent, c'est horrible. Quel son infernal. Quel manque de contrôle de soi. Quelle guitare de merde. Elle manque de contrôle de soi, cette guitare. Elle ferait mieux de s'auto-agresser. Encore une fois. Parce qu'elle est vivante. Je fais vivre ma guitare et donc j'ai le droit de lui parler. Salut guitare. T'as un beau trou, tu sais. Une belle rosace. T'as de belles clés. T'as un beau scié. T'as des vieilles cordes. J'aime les vieilles cordes. Y'a rien de mieux qui sonne que des vieilles cordes pourries. Ah ouais, ma guitare. Et oui, c'est infernal, ce n'est pas une émission comme les autres. C'est la plus pourrie de toutes les émissions de radio qui existent sur toute la Terre, je l'espère. C'est en tout cas mon ambition. Je vais donc tenir cette forme artistique de je ne sais quoi, comment ça s'appelle, pendant 2 heures encore, car mon collègue suivant, producteur de l'émission Love Black Music, qui commence en général vers 23h, aux alentours d'eux. J'espère qu'il arrivera en retard et je pourrai tenir cette forme d'appoggiature pendant des années. Des années virtuelles, donc quelques secondes de plus, si j'y arrive. Des années oniriques, quelques minutes de plus, si j'y arrive. Des années pragmatiques, quelques années de plus, si j'y arrive. Oh, et puis tant pis. Toujours la consonance, et qui est très con d'ailleurs, comme son maître. c'était un classique, Louis Louis, mais en sénégalais, ou plutôt non, en éthiopien, mélangé copte et aussi côte d'ivoirien, donc une espèce de mélange de français finalement. Le français. Le franc, c'est haha, CFA. C'est donc Louis Louis. Hello, hello, oh bébé, galgo. Hello, hello, oh bébé, galgo. Hello, hello, he said Jamaica, the moon above. I see my love with stinky funky hair. Oh Louis Louis, oh yeah, we gotta go, baby, baby, baby. Oh yeah, yeah, yeah, Louis Louis, Louis Louis. Je viens de mettre au point le solo, c'est magnifique. Quelle note, ma note, la plus belle note de toutes les notes. Voilà, c'est dit. Silence inexistant de l'être vivant, sous-entendu. Ah, la magnifique fausse note. J'aime les fausses notes. Pour une fois, je dis la vérité sur cette émission. Boing, boing, boing, la bing, bling, de bing, ba. Ba, de blé, de blé, de blé, dark, chill, blend. Fuck, yeah, yeah, yeah, say, man, fuck, yeah, so, yeah, shit, shit, shit. Fuck, fuck, fuck, cunt, piss, death, blood, blood, blood, flesh, rotten, flesh, rotten, flesh, rotten, flesh, chair en putréfaction, chair en putréfaction, que tu sens bon, le matin d'été, derrière ton nuage clair et doré, j'aime la poésie, car elle me permet de m'exprimer en vers et ça rime. Des fois. Des fois. Pas. Ah, les rimes, qu'est-ce que ça me déprime. Y'a pas plus carré que les putains de merde de rimer. Chier, cacaboudin, j'en ai rien à foutre. Et plutôt que de me vautrer eux. Une fange éternelle, humaine, je vais me dire que ah, tout va bien là-bas. Magnifique! So funky! So funky! Yeah, yeah, yeah! James Brown, yeah! The cocaine is good! Oh, the sugar is good, pardon. I want to fuck my mother in the fucking ass and kill her with a stupid knife. While my father watches his dog fuck his butt, motherfucker. And I shoot them in the head with a big boot. A big boot and I ram it in their face. They stink of puke. Les rimes, que c'est beau les rimes. Faire bouffer un carambar que de rimer les malabars. Bah, et fini la consonance. Passons à l'accordage. Je vais vous donner donc la première leçon d'une guitare. Donc ça a des cordes et il faut tirer sur les cordes, les pincer, on dit, pour les faire sonner. Donc écoutez bien le son qui durera en éternité, tel un sustain indéfini et infini. Voilà, vous l'avez entendu ? Infini, c'est un sustain infini, donc écoutez encore, vous l'entendez ? C'est un sustain donc infini, je vous répète, voilà, vous l'avez. Donc accordez, ne nous dispersons pas, écoutez bien l'accordage. Donc vous achetez un accordage électronique, ça coûte dans les je sais pas combien, et vous achetez des piles aussi pour aller avec, sauf s'ils les fournissent, et vous accordez avec l'accordage électronique, je vous expliquerai un autre jour comment l'allumer. j'ai un cordeur qui tourne les clés automatiquement, comme ça, il n'y a pas besoin de régler quoi que ce soit. Et je n'ai pas le modèle au-dessus où il ne suffit même pas de jouer. Il n'y a même pas besoin de jouer, de pincer les cordes, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, très pratique pour les gros bofs comme moi, qui ont des gros culs qui puent. Que même pour les autres gros bofs qui n'ont pas des gros culs et qui ne puent pas, c'est très pratique aussi, car se fait acheter des piles et c'est plus cher parce que c'est un gadget puant. Je n'ai aucune idée si c'est accordé ou pas, et on va dire que ça l'est pour vous rassurer. Ne vous inquiétez pas, ma guitare est purement accordée comme un artiste l'accorde, c'est-à-dire à l'accordeur électronique automatique qui tourne les clés donc pour accorder la guitare toute seule. Donc je vais vous interpréter un morceau de je ne sais pas qui. Allez, disons que je vais vous interpréter un morceau de quelqu'un que je ne citerai pas pour ne pas payer de droits. Voilà, vous allez reconnaître le morceau tout de suite, c'est donc ce morceau. Vous connaissez, je l'ai joué depuis le début de la soirée en différentes déclinaisons. C'est donc « Oh, le menteur, il est un mouroir. Il est dans un mouroir couvert de cadavres et il est content d'être là. Il voit l'éternité se plier à ses souhaits. Pourtant, il imagine des choses qui existent réellement. Mais comment se fait-ce qu'il existe des choses réellement alors que son monde est fermé dans une bulle territoriale, psychique ? Inextricable, inextricable de sa bulle territoriale. Et donc il est dans son monde et il imagine des choses, des amis par exemple, ou des ennemis qui tuent à coups de batte de baseball cloutée. Car il a une vie passée de facho. Vous savez, les quasi-nazis skinhead machin, de marine nationale, ou de Napoléon Bonaparte. La cruauté. Ah, ma simplicité m'attire vers moi-même, je m'aime tellement, Narcisse. Je suis une fleur, je suis un végétal, j'ai les pieds sur terre, bien ancré dans le sol. Sol, en parlant de sol, voilà. Sol, sol, sol, sol, la si do ré mi. Dernier accord de la symphonie numéro 4 de Mozart. Donc nous sommes ici pour apprécier la musique et non pas le bruit, d'où le nom de l'émission Nuisance, qui signifie en réalité en pali, donc la langue officielle pour transcrire les textes, donc les rapports, disons, les témoignages, donc des dires de Bouddha Sakyamuni, le premier des, enfin, un des premiers, disons, grands bouddhis, le Bouddha, oh, mais qu'est-ce que je dis ? Donc le grand Bouddha a écrit, enfin pas lui, mais disons les scribes qui travaillaient pour lui ou quelque chose. Oh, c'est bien compliqué. Enfin bon, ils ont traduit quelque chose dans ce genre. Je vais vous écouter, ne pas l'écouter. Ça m'inspire terriblement. La beauté est en ce monde, je le sens dans mes doigts. Fait. Fairy dust, gay people everywhere, fucking each other, fucking each other. Oh, un accord fin et subtil. C'est un mi. Oh, quelle beauté. Je viens de le trouver, celui-là, il est frais. Un accord frais pas cher. L'accord frais pas cher. 1 euro, ça suffit pas. 2 milliards d'euros, mec, pour une représentation de cet accord. Écoute bien. 2 milliards d'euros. C'est mon accord. C'est moi qui ai trouvé. Non, c'est pas vrai, tu es qu'un menteur. Non, c'est toi le menteur. Bon, d'accord, je te sodomise. Pourquoi ? Homosexualité oblige. La tienne, je veux dire. Parce que moi, je ne suis pas homosexuel, je baise les hommes, c'est pareil. Je les encule. Ce qui est techniquement différent, en fait. Ce sont juste des machines à sexe pour moi, c'est pour me vider les boules. Ça pourrait être des femmes aussi, mais je les méprise tellement que je préfère les hommes, finalement. Allez, 1, 2, 3, 4, chante avec moi. La vie est belle dans cet enfer sur terre. Et la France est le plus beau pays du monde. D'ailleurs, la terre entière le protège l'être humain par sa réaction, ou je sais pas quoi, par son évolution, oui, ah oui, oui, évolution. La planète est vivante, elle évolue. Car c'est l'infocyte, c'est le leucocyte, donc l'humanité. On a perdu les pédales. Ils croient en eux-mêmes alors que c'est faux. Ils croient en la Terre ou quelque chose d'autre. Pas eux-mêmes, parce que les individualistes, c'est gros des gros connards de merde. Je préfère les égoïstes même que les individualistes de merde, ultra capitalistes qui puent. À mort les chiens, à mort les porcs, à mort les truies, à mort les chiennes, à mort la merde. Non, pas à mort la merde. La merde, c'est ce que l'on bouffe, on en a besoin pour survivre. Encore une journée de merde qui nous attend. À bouffer de la merde, à vivre la merde, à respirer la merde, à boire la merde, à s'asseoir sur la merde. De la merde, non, non, pas ça, non, pas ça. J'aime la merde, c'est moi. On me l'a expliqué quand j'étais à l'école, on m'a dit tu es la merde, toi, tu es la merde, toi, tu vois. Et je dis oui, je vois, je suis la merde, parce que tu me dis que je suis la merde, c'est de majorité de merde. C'est faux, c'est faux. Tu n'es pas une majorité de merde, tu es. La sacro-sainte démocratique majorité de merde. Ce qui change tout. Finalement, la sacro-sainte démocratie de merde qui nous donne tous les droits. C'est magnifique, on est libre enfin de cette démocratie. Arrêtons de parler politique, parlons art. Quelle chiotte cette consonance. Abat la consonance. Mourir, harmonie pourrie, factice. Harmonie on dit. Harmonie rumeur, harmonie préjugé, harmonie idée, toute préfète. La guitare est le plus laid instrument du monde quand j'en joue. Encore le clavecin, sauf qu'il faut le fabriquer soi-même. C'est tellement cher de jouer un clavecin. Je veux dire, c'est tellement beau aussi. Il faut dire ce qui est, quoi. C'est très important qu'un clavecin soit beau, après tout. C'est pas le son qui compte, c'est l'aspect visuel de la machine à son, n'est-ce pas? Donc, coller des stickers sur vos clavecins, ça fera plus joli. Protégera du trop grand, du sublime, de l'animalité par exemple qui ressurgit de temps en temps en vomissant ses tripes. Ah, je suis fier de moi, j'ai réussi à récolter deux fois dans cette émission. L'honneur est sauf. À quand le vomi? J'en ai marre cet accord, j'ai changé d'accord, je vais prendre un autre accord qui est complètement différent, c'est celui-là, attendez, je le trouve, il faut que je cherche. Je vais faire la gamme en Do, Ré mineur de Bach, selon clavecin numéro 3. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Mi, Sol, Fa, Ré, Sa, Di, Do, Que, Do, La, Mi, Do. Oh, j'ai perdu le fil, il faut que je recommence. Allez. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. do, mi, sol, si, fa, ré, mi. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Un morceau à moi, je suis assez fier, une composition originale et librement interprétée par moi-même. Je ne vous dirai pas mon nom pour que vous ne me trouviez pas. Son est pourrave, c'est sûrement la faute au matériel de Canal Sud, comme d'habitude. Sûrement les platines tourne-disques ou les CD. Peut-être le lecteur MP3, et puis merde, c'est la faute à tout. Tout. C'est la faute à tout. Tout. C'est la faute à tout. Tout. C'est la faute à tout. Tout. C'est la faute à tout. C'est la faute à tout. Tout. La faute à tout, oh, la faute à tout, tout, la faute à tout, la faute à tout, tout, la faute à tout, la faute à tout. J'ai mal au bras. La faute à tout. Je suis là pour vous divertir, donc vous appréciez l'art. L'art dans tout son ensemble et grâce à moi dans toute sa singularité. La beauté n'existe pas. L'art beau est un mensonge, comme l'art moche d'ailleurs. Que préférez-vous ? Je recommence, excusez-moi du mauvais départ. Je vais recommencer sur une autre tonalité, quoique non, je me tâte. Je me tâte les testicules et pointe vers l'horizon un point dur. Merde. Aurais-je du problème à uriner ce soir ? Je me demande comment vais-je faire pour uriner avant d'aller me coucher ? Et comment vais-je faire si je n'arrive pas à uriner avant de me coucher ? Je vais exploser pendant la nuit et du sang sera partout sur mon matelas. Il faudra que je le lave et que je paye ma mutuelle de santé. Que peut-être il daigne m'en rembourser. Peut-être que non. Je ferais mieux d'acheter une arme, pas chère. Une arme à feu, donc, automatique. Et de la programmer avec un minuteur pour me tirer dessus toutes les heures, au cas où. La gamme en dos. J'ai une longue pratique instrumentale, elle date de mes 7-8 ans, ensuite je suis passé à un autre instrument et j'ai progressé très vite. Vous l'entendez, le toucher est fin et délicat. Et tout évolue malheureusement. Car si ce n'était pas voulu, ce serait plus beau en fait, enfin plus laid pour vous, ça vous rassure. Un pas sur la gauche, un pas sur la droite et prenez votre partenaire par la hanche, les deux mains et secouez vivement de haut en bas pour faire tomber les sous-sous. Et tu es là pour ramasser les sous-sous par terre, ou le partenaire, pas particulier du tout. Par 10. Le garibiquement parlant, c'est perçu. Merde! C'est pas possible de travailler dans ces conditions. On peut pas avoir une seule poche à la fois, grâce à une main. Il faudrait trouver le moyen d'accéder à deux poches à la fois par main. Ça ferait accès donc à 4 poches à la fois en serrant les deux mains. Ce serait un rallongement du temps d'espérance de vie et aussi l'espoir, finalement, l'espoir fait vivre plus longtemps. Alors, espérons en... Non, n'espérons pas. Je vais donc vous faire un morceau, un vrai cette fois, composé par quelqu'un d'autre que moi, pour que justement ça soit peut-être de la musique. Vous reconnaissez ces 3 premières notes de quelque chose de 4 ou 5 peut-être. Donc la définition de la note, c'est un truc, un machin qui ressemble à ça, tu vois. On accumule plusieurs pour faire des accords. En même temps ou pas, ça fait des arpèges, c'est pas en même temps. Oh merde, j'ai claqué quelque chose. Un neurone, je crois. Ou une neurone, j'ai jamais su. Qui a appelé tout à l'heure, n'appelez pas. Attendez patiemment la prochaine fois. Ça évitera le dérangement d'une toute une procédure terriblement active en direction de leucémie qui vous atteindra un jour, hein, j'espère. Je fais du vaudou, vous voyez. C'est un vaudou blanc. Vous y croyez à mort, j'espère. Vous pouvez savoir que je suis blanc, ça se trouve je suis un français noir. Est-ce possible, hein, peut-être? Je sais pas. Selon certains, non. Moi, j'ai pas le choix. Ah, si, j'accepte. Vaut mieux accepter en ces cas-là. Eh oui, eh oui. Je ne suis pas un soldat et je ne suis pas inconnu. Suffisant déjà. Mais je vous joue deux notes à la fois, enfin l'une après l'autre. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da la musique, la musique, la musique, la musique. C'est beau. C'est beau la musique. Oh merde, j'ai perdu le rythme. J'ai foutu, faut que je recommence. Allez, je recommence. Ouais, ça y est. Recommence. La musique. La musique, c'est beau la musique. Oh oui, c'est beau la musique. Oh merde, j'ai pas le droit de dire la musique. Ça correspond déjà à une chanson. Oh putain, ils nous volent les mots quoi. Et les notes aussi. Les bâtards. Ils nous payent même pas. Ils payent pas. Et que les riches. Ça sème de merde. La la la la la la. C'est sur Canal Sud 92.2 FM, c'est le gros bordel dans l'usance comme d'habitude. Et c'est que de la merde dans Nuisance, Nuisance, souvenez-vous, Nuisance, c'est que de la merde. Et c'est tous les vendredis de 21h à 23h, encore une demi-heure à supporter cette merde. J'espère que j'ai le droit de dire merde, enfin, putain, ça, on peut rien dire. Peut-être qu'en France on peut dire merde encore en agent, un 6 minutes truc. Non, ça m'étonnerait. C'est mince, c'est dommage, c'est vraiment zut quoi, c'est crotte de bique quoi. Ça y est, je... Je vous incite en anglais comme ça vous comprendrez rien. Piece of shit, motherfuckers. You are full of shit. And you are full of shit, stupid motherfuckers. And I really fuck you in the fucking ass. Zuz. Ooh, Zuz. Hey Zuz, what's up, man? Hey Zuz. Yeah. What's up, Zuz? I'm okay, man. Just go away. No way, Zuz, I'm fucking in the ass. Woo! Yeah, Zeus. That's the way, baby. Oh, yeah. Okay, you done now? No, I'm not done yet, stupid fuck. Come on your fucking ass, man. Okay, Zeus. Suck on this. suck on the shit of my dick, you know. Suck on my shit. Well, your shit, in fact, you know. Zeus. La vie est belle. Oh oui, c'est ce que je disais. J'étais en train de vous parler donc d'un couple amoureux depuis un certain nombre d'années. Et l'une donc s'appelait, comme vous l'avez entendu, Martha, et l'autre s'appelait Robert. Et donc Robert parlait à Martha. Je vous traduis donc le texte. Et Robert disait qu'à Martha que Martha était la plus complète, entière et unie avec Dieu des femmes qu'il connaisse sur terre entière. Vous comprenez? Voilà. Et donc Martha lui répond: va te faire foutre, enculer ta gueule. Blague, vous étiez censé rire, hein, vous savez. On peut pas compter sur vous, quoi. Cette guitare est trop accordée pour moi, je vais la désaccorder. Je ne supporte pas la consonance qui contient le mot con dedans. La sonance con. Je chie sur la sonance con. La rythmie est bonne aussi. Un glissando de la si. Oui. Oui. Un do majeur pour calmer la situation, bien qu'en dissonance, ça ne fasse pas do majeur. Nous parlons de désagrégation, donc de direction vers une entropie certaine et donc bonté fondamentale de l'être humain, la mort. Précédée par la maladie. Dans une bonne mort. J'espère. Une bonne mort, on parle de la mort mal, la mauvaise mort. La mort c'est bien, ou c'est mal. Choisir quoi. Et en fonction de ton choix, sera bien ou sera mal ta mort. Tu vois, même là, t'as le choix, t'es vraiment libre. Tu peux t'acheter une belle mort en payant les toubibs. Oui, c'est beau, la vie c'est beau, mais mourir, qu'est-ce que c'est bon? Car au moins, on n'a rien vu de bon. Parce qu'il n'y a rien à voir de bon. Et on le sait, parce qu'on n'est pas con. Et donc, il y a blablabla, nihilisme et tout néant, blablabla. Toujours critiquer l'être humain parce que c'est de la merde. Souvenir de ça, réviser souvent. Fall asleep, you motherfuckers. Get up and go to work. It's time to work, dudes. Dudettes. Quick. Happily ever after. Et malheureusement, on a du taf. Hein. Qu'est-ce qu'on présente de nos jours? Ça, on peut se demander. Surtout pas quelque chose d'intéressant. Pas quelque chose qui rapporte de la thune, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Le bonheur est dans le fric, tu sais bien. Le bonheur a le fric. Le bonheur a fric. Carmina Burana, version Jeux Olympiques, Adolf Hitler, commandité, tout ça. Oh, je respire enfin. Je vais te frapper la tête avec un gourdin. Ça rime en un, c'est pour ça que je cherche des rimes. C'est beau les rimes. Ça sonne con. C'est comme... Vous avez qu'à aller travailler. Trouver un boulot. Ouais. Et pas mourir du DAS, vous êtes trop con. Vous êtes vraiment que de la merde. Espèce d'alcoolique de merde, vous perdez votre vie, toxicomane de chiottes. Cherchez le fric, les gars. La compétence, l'adaptabilité, la fonctionnalité. L'insensibilité, oh merde, je dis le secret. Oh, le secret, merde, tu chies, l'insensibilité. Fonctionnel, insensibilité. Fonctionnel, insensibilité. Fonctionnel, insensibilité. Et pour ça, il y a la camisole. Yeah, baby. Oh yeah, you got like 55 babies, you know, to be sure it's like good, you know. Oh yeah. You stupid bitch. Stupid fuck. Go hate yourself. Ne suivez pas les paroles à la lettre, c'est-à-dire si vous avez compris quelque chose, c'est bien. La vérité, qu'il soit rassuré. Il n'y a pas de complot, c'est la vérité. Non, il n'y a pas de complot. Nous, ce qu'on veut, c'est le fric, c'est pas un complot. On nous l'a dit, travailler plus, pour travailler plus, pour travailler plus, pour gagner plus, c'est nous. Gagnez plus, vous travaillez plus. Oui. Écrasez vos gueules de merde dans le ciment pourri qu'on vous offre, car vous l'avez payé vous-même. Mais vous, n'êtes rien sans nous. Vous, n'êtes rien sans nous. Nous sommes les dirigeants, les riches, les beaux. Vous êtes les moches, les puants, les sous-humains. Vous n'êtes rien. Vous n'avez jamais rien été. Et vous ne serez jamais rien. Et donc, vous avez encore le choix. Vous pouvez encore réagir avant qu'il soit l'heure. En avance, quoi. Réagissez, faites quelque chose. Visualisez bien la chose. Ne vous forcez pas à visualiser la chose. Présent, prenez l'arme. Aiguisez-la. Enfoncez-la vous. Dans le rectum. Ça fait mal. Vous êtes conscient que vous vivez. Face à la douleur physique, matérialiste. L'immédiateté de la souffrance qui dure. Donc, que je n'ai pas répété aussi peu de beauté en cette émission donc du vendredi 7 janvier 2011. Il est à environ 22h45 et je vais encore faire du bruit, ou plutôt de la belle musique, hein, ça comme vous voulez, pendant environ un quart d'heure pour vous faire chier. Quelques secondes pour vous dire que je me suis trompé la semaine dernière. J'étais pourtant convaincu que Fersatch ou je ne sais qui avait raison, ou je ne sais qui justement, que minuit c'est la fin du monde. D'ailleurs, j'ai eu des lumières étincelantes. En fait, c'était le néon qui clignotait. J'ai pris ça pour une bombe atomique. Vous m'en voyez désolé, et ce n'implique que moi. Donc, j'ai vraiment cru, je suis vraiment désolé que c'était la fin du monde. Donc, vendredi dernier à minuit, coïncidentiel. Coïncidence troublante à minuit pile et donc je m'excuse voilà de vous avoir annoncé donc la fin du monde vers minuit la semaine dernière et pour m'en excuser je vais éteindre mon micro et vous n'aurez que du silence pendant quelques secondes. En fait, c'est de la punition de vous en fait que je vais faire. Je vais vous punir, c'est votre faute.